Donc, merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Thierry IV, l'avant-dernier roi des Mérovingiens, meurt en 737. Débute l'interrègne. Charles le Martel ne se précipite pas pour nommer un autre roi. Il est en effet vainqueur des Sarrasins à Poitiers, ou Tours, selon d'autres versions. Il a reçu des reliques prestigieuses de la part du pape Grégoire Ier, qui le reconnaît officieusement comme le véritable gouverneur de tout le royaume franc. Et donc, il veut vérifier si il est aussi légitime au regard de tous les autres membres de son royaume. Et c'est pour ça qu'il envoie, à travers le Regnum Francorum, des messagers, ancêtres des Missi Dominici de l'Empire de Charlemagne, censés le représenter dans tout le royaume franc pour évaluer son image auprès des grands du royaume, des populations. Mais les retours ne sont pas très bons. Il a perdu aussi une grande partie de la confiance que lui témoignait l'Église gallicane, à cause du pillage en réalité des biens d'Église pour pouvoir rémunérer ses hommes. Charles Martel donc hésite à se proclamer roi et fait dater tous les actes du royaume de la mort du roi Thierry IV, comme si en réalité le royaume était en suspens. Charles Martel meurt en 741 à Quercy-sur-Oise, dans le Soissonnais. Il laisse trois fils, Carloman, Pépin le Bref et Griffon, issus de sa dernière femme. Il donne à Carloman l'Austrasie, la Suève, la Bavière et la Thuringe. À Pépin, il donne la Provence, la Neustrie, la Bourgogne et à Griffon, rien. Certains disent qu'il accepte sur son lit de mort de partager son royaume en trois, mais que Griffon aurait été ensuite écarté de l'héritage par ses frères en 742. Face à une forte opposition de l'Église franque et de la noblesse neustrienne, bourguignonne et une partie de la noblesse austrasienne, Pépin et Carloman décident de rappeler sur le trône un descendant légitime des Mérovingiens, Childéric III. Sorti de son monastère, ce pauvre Mérovingien fera semblant de régner pendant 9 ans. Son règne est marqué par la guerre fratricide de Pépin le Bref et de Carloman d'un côté contre leur frère Griffon, furieux d'avoir été déshérité. Celui-ci s'allie avec le duc de Bavière, son beau-père. Après une accalmie où Griffon reçoit une douzaine de comtés en Neustrie, Griffon reprend les hostilités en s'associant non plus avec Eudes d'Aquitaine, mais avec son fils. Malgré cette menace, Pépin le Bref, dont le frère Carloman s'est retiré au monastère du Mont Cassin en Italie à partir de 747, tente d'avancer sa cause en vue de devenir roi de tout le Regnum Francorum. Et c'est pour ça qu'il envoie à peu près à cette date, en 747, peu de temps après le retrait de son grand frère Carloman, une délégation à Rome composée de son chapelain, Fulrad, l'abbé de Saint-Denis, et de l'archevêque de Wittsburg, en Allemagne, Burchard, avec la question suivante: lequel devrait mieux être roi? Ou celui qui, sans pouvoir sur le royaume, n'emporterait pas moins le titre, ou bien celui par qui le royaume est gouverné et a aussi le pouvoir et la responsabilité de toutes choses. Le pape Zacharie, pour qui l'alliance avec les Francs devient vitale pour l'avenir de l'Église, répond sans hésiter: celui qu'on appelle roi est celui qui gouverne le royaume et qui exerce le souverain pouvoir. Le prince Pépin le Bref doit être ce roi. Pépin le Bref reçoit la lettre en mars 751. Le 31 octobre 751, Childéric III est déposé et tonsuré. Il est envoyé au monastère de Scythie, puis le 23 janvier à l'abbaye de Saint-Bertin-Saint-Omer. Son fils Thierry, 10 ans, est envoyé à l'abbaye de Fontenelle, qui devient l'abbaye Saint-Vandrille en Haute-Normandie. Des historiens se battent pour savoir de qui Childéric III est le descendant. Les recherches les plus récentes tentent à penser qu'il serait un fils de Thierry IV. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Tout d'abord, les derniers rois des Francs. Donc, la partie n'est pas encore gagnée pour Pépin le Bref. Est-ce qu'il va vraiment être connu comme roi des Francs, ou bien est-ce qu'il ne va pas s'aligner une forte opposition qui est tout à fait probable? D'ailleurs, c'est un scénario tout à fait probable. En effet, Les derniers rois des Francs donc ont utilisé leur reste de pouvoir pour couvrir l'église gallicane, donc l'église de Gaule, de cadeaux. L'abbaye de Saint-Denis, du Mans, de Saint-Vast, de Chelles, de Corbie, toutes les abbayes de l'ordre de Saint-Colomban sont des foyers potentiels de résistance pro-mérovingienne. Du côté des seigneurs, outre son frère Griffon qui s'est allié aux Bretons et lui livre une guerre sans merci, il y a les ducs d'Aquitaine et de Vasconie, les anciens patrices de Provence, les seigneurs bourguignons, la Bavière du duc Odilon, allié de Griffon. Certaines régions ont aussi gardé de très mauvais souvenirs des descentes franques de Charles Martel contre la population de Provence, du Rhône et du Languedoc. L'église diocésaine ne se remet pas de s'être fait exproprier ses biens après la bataille de Poitiers, mais pas seulement. On se souvient aussi de l'abbaye de Saint-Victor, qui s'est fait totalement déposséder de tous ses biens. C'est pourquoi Pépin le Bref sera le premier roi franc à être sacré, et plutôt deux fois qu'une. Une première fois en 752 dans la cathédrale de Soissons, siège historique du royaume franc. Il se fera sacrer avec sa femme en présence des évêques du royaume. Saint Boniface, évêque de Mayence, lui répandra l'huile sainte sur le front. Et une seconde fois à Saint-Denis, en présence des évêques et des grands. C'est le pape Étienne II lui-même qui présidera la cérémonie. Par cette double cérémonie du sacre, Pépin le Bref veut soumettre les grands et l'église gallicane. Il y arrive en partie, mais c'est aussi l'occasion pour l'église de rappeler qu'au-delà de la légitimité traditionnelle, existe une légitimité spirituelle, car le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel, et le pouvoir spirituel appartient à Dieu. Merci et à bientôt.